T'as plus de victoires que de défaites. T'en as emporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre? Même pas en rêve. Espèce de petite putain. Trois balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin. Gauche, droite, droite, gauche. Front kick, balayette, des pénalties. Pour un mois, trois mois, un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Sans toi c'est déjà ça de prix. Ouais j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout. Jusqu'au dernier cri. Putain de maladie. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Toujours invaincu.